Moi, c'est les gens qui ont fait un peu de mal. Là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis Oya kufuta maswaya mayo Tangu na komina ilebo Nazwi maswaya mayo Tangu na komina ribumu ya chinsansoyo Nabandi kutelengana Ngai nabandi kukufanzala Nabandi kulokota madesu na zando Yangu zando wana weyo Yoko maginde pale ya kulala Kulale, kulale yo yo yo Pale yo kele kele Nabutani na misa nangai moko Misa wana lumi nangayo Ngelega po vivila na chinsanso yo Yilufo beta ribanga Ngai nakanisaki ribanga yango Izalo kule yangu jimayo Woiba West Africa valinga kamingyo Kasi ribanga yango Izalaga yango kota nandaku ya vato Koto hiba biloko Tuzu ambomu baninga Casingana Zabalado te Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Balado Moïbina balado basé tata c'est moko. Yo le vieux c'est balado, gars le vieux c'est moïbina. Mais au point de vue n'angoué c'est malgré et puis c'est quand même. Et puis na moni soko c'est koïba mingi c'est faute à matrimonial na yo. Po édiquement na yo c'est mabé. Po loba ma kambo na yo nyo sona yo kaloba. Moi c'est déjà tangu na zimbo we. Bise na ngayo alubi na ngayo. Kelege il faut tuber tiri banga ya munena. Il faut vous en moins yo. Oyebi basi aginsa soyo Balingi kulata Balingi kakabasu pele mujo Kakaba wakisa wolande Tangu mbongo esili nyonso Misto wana lubinanga yo Ngelega tubete rivanga ya munena Binu basu muyebi rivanga ya munena Oya kutele manabonga sabuko Tubanda kubeta batu Tubanda kubuka bangu bama koko Kutubutu lambongu maninga Yangwana woyebu kanga viso Mwasirija utibisu na pirizo Kasingaina za balado te Balado, balado yo yo yo Balado Saka balado te Kanisaki awa tozena chikapa tona mbujima epa ezena jizema ya diama. Na evidemana ngae na sina kangi moibi na marakite na lukumashi. Azeka ka moibi lukola yo, paradoso. Moibi na lor na kisangani azeka ka moibi. lokola yo balados moyibi na diama na mbujimai to chikapa ate moyibi lokola yo balados moyibi na mikungu na nescafe ya bandundu aze kaka moyibi lokola yo balados moyibi na paipai na pomme de terre kuna na kifo aze kaka moyibi lokola yo balados obie o aze koyiba ivoire na mbandaka aze moyibi lokola yo balados oyo aze koyiba na bureau na mikanda kutu yende aze kuru ya kanaba moyibi nosu soki lelo kufi na maladi oyo ya moyibi okokoma mukanda na mboka o na kufi na ino pine o na kufi na sibitema alors ke okufi na maladi na yo ya moyibi ale tokei makambununa si na yebi nyonso ale tokei lelo ekili na yo ntango kolala na ndako ya molili kozwa maladi ya epidemie epi okolia mosapi na yo mokoyangwana Je suis un peu plus de temps.